danse guitare à l'intérieur. Je tape des lignes, il marche. Ça, c'est de la nice. Attends, j'essaye la basse. Je suis la basse.